Ésaïe chapitre 3. Car voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, s'en va ôter de Jérusalem et de Juda le soutien et l'appui, tout soutien de pain, et tout soutien d'eau. L'homme fort et l'homme de guerre, le juge et le prophète, l'homme éclairé sur l'avenir et l'ancien, le cinquantenier, et l'homme d'autorité, le conseiller, et l'expert entre les artisans, et l'homme éloquent. Et je leur donnerai de jeunes gens pour gouverneurs, et des enfants domineront sur eux. Et le peuple sera rançonné l'un par l'autre, et chacun par son prochain. L'enfant se portera arrogamment contre le vieillard, et l'homme abject contre l'honorable. Même un homme prendra son frère de la maison de son père, et lui dira, « Tu as un manteau, sois notre conducteur, et que cette dissipation-ci soit sous ta conduite. » Et celui-là lèvera la main en ce jour-là, en disant, « Je ne saurais y remédier, et en ma maison il n'y a ni pain ni manteau, ne me faites point donc conducteur du peuple. » Certes Jérusalem est renversée, et Juda est tombée, parce que leur langue et leurs actions sont contre l'Éternel, pour irriter les yeux de sa gloire. Ce qu'ils montrent sur leur visage rend témoignage contre eux, ils ont publié leur péché comme Sodome, et ne l'ont point scellé, malheur à leur âme, car ils ont attiré le mal sur eux. Dites au juste, que bien lui sera, car les justes mangeront le fruit de leurs œuvres. Malheur aux méchants qui ne cherchent qu'à faire mal, car la rétribution de ses mains lui sera faite. Quant à mon peuple, les enfants sont ses prévôts, et les femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te guident, te font égarer, et t'ont fait perdre la route de tes chemins. L'Éternel se présente pour plaider, il se tient debout pour juger les peuples. L'Éternel entrera en jugement avec les anciens de son peuple, et avec ses principaux, car vous avez consumé la vigne, et ce que vous avez ravi à l'affliger est dans vos maisons. Que vous revient-il de fouler mon peuple, et d'écraser le visage des affligés, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel a dit aussi, parce que les filles de Sion se sont élevées, et ont marché la gorge découverte, et faisant signe des yeux, et qu'elles ont marché avec une fière démarche, faisant du bruit avec leurs pieds. L'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et l'Éternel découvrira leur nudité. En ce temps-là le Seigneur ôtera l'ornement des sonnettes, et les agrafes, et les boucles, les petites boîtes, et les chaînettes, et les papillotes, les atours, et les jarretières, et les rubans, et les bagues à senteur, et les oreillettes, les anneaux, et les bagues qui leur pendent sur le nez, les mantelets, et les capes, et les voiles, et les poinçons, et les miroirs, et les crêpes, et les tiares, et les couvre-chefs. Et il arrivera qu'au lieu de senteurs aromatiques, il y aura de la puanteur, et au lieu d'être saintes, elles seront découvertes, et au lieu de cheveux frisés, elles auront la tête chauve, et au lieu de ceintures de cordon, elles seront ceintes de cordes de sac, et au lieu d'un beau teint, elles auront le teint toilé. Tes gens tomberont par l'épée, et ta force par la guerre. Et ses portes se plaindront, et mèneront deuil, et elle sera vidée, et gisante par terre.